Je voudrais maintenant revenir sur un verbe que vous connaissez déjà. C'est le verbe laisser qui se dit lassen. Lassen. Il se trouve que lassen a plusieurs sens. Nous avions vu celui de laisser quelque chose, comme dans j'ai laissé la clé sur la table. Ich habe den Schlüssel. Schlüssel, la clé. Auf dem Tisch, sur la table. Tisch, la table. Gelassen. Voilà pour ce premier sens de laisser quelque chose. Lassen peut aussi vouloir dire laisser, comme dans laissez-moi essayer. Lassen Sie mich versuchen. Laissez-moi travailler. Lassen Sie mich arbeiten. Lassen Sie mich in Ruhe. Laissez-moi tranquille. Dit Ruhe, c'est le calme, la tranquillité, le silence. Donc, l'expression Lassen Sie mich in Ruhe, ça veut dire laissez-moi au calme. Laissez-moi tranquille. Lassen est également employé pour dire faire faire quelque chose à quelqu'un. Car en allemand, faire faire se dit laisser faire. Par exemple, je vais le faire réparer est rendu en allemand par je vais le laisser réparer. On a donc un verbe porte-manteau. Comment diriez-vous je vais le faire réparer? Qui en allemand se dit je vais le laisser réparer. Ich werde es reparieren. Reparieren, oui. Reparieren lassen. Bien. Ich werde es reparieren lassen. C'est je vais le faire réparer. Dans le sens de je vais le laisser réparer par quelqu'un. Ich werde es reparieren lassen. Comment diriez-vous je dois le faire laver? Soit en allemand, je dois le laisser laver. Ich muss es waschen lassen. Bien. Ich muss es waschen lassen. Nettoyer en allemand, c'est rendre propre. Propre se dit rein. Es ist rein. C'est propre. Rein s'écrit R-E-I-N, comme un rein en français, l'organe qui sert à filtrer le sang, donc à le rendre propre. Et nettoyer se dit reinigen. Reinigen. Donc, je vais le faire nettoyer se dit Ich werde es reinigen lassen. Bien. Ich werde es reinigen lassen. Oui.